porte. Je vais t'arracher de tes gonds scellés. Qui es-tu? Vous êtes enchaînée à l'œuvre des charmes, magicienne. Qui êtes-vous? Je suis Asub. Je suis gardienne de Naboo, que les Latins nomment Mercure. Lumière! Tu te tiens debout, cambrée comme l'arc de tes lèvres dans le sourire. Tu parais hérissée de rayons. Tu portes la couronne d'or et la palme. Ah, qui es-tu? Je suis Phénix, la gardienne de Dilba, qu'on nomme Vénus. Je vois l'adolescent couché sur le lit d'ébène. Une fraîche blessure est sur sa cuisse blême. Les femmes s'acharnent, des roses naissent du sang, des anémones naissent des larmes. Il est mort, le bien-aimé. De l'or, de l'or, je vois de l'or qui resplendit, de l'or qui tombe, de l'or qui couvre et qui étouffe. Car je suis Féroras, gardienne de Jupiter, et l'empereur te regarde, vers toi s'incline. Alette, tu as dans ton poing sa victoire d'or, mais tu souffres. Tu appelles ton dieu, tu nommes un seul dieu devant tous les dieux. Des hommes crient au sacrilège, Orphée, Orphée! Je suis Jardane, la gardienne du grand luminaire Samas. La lyre heptacorde, figure des sphères chantantes, est-elle un gibet? Pourquoi étends-tu les deux bras, joins-tu les deux pieds comme les esclaves en croix? Tu pourrais encore être un dieu, avoir ton temple. Pourquoi donc veux-tu mourir? Je vois jusqu'au plus obscur coin des 12 lieues. Je suis Illa. Tu es resplendissant de plaies. Tu es comme criblé d'étoiles. Autour de toi des ailes battent. Tu as la couronne et la palme. Oh, qui es-tu? Que de faire? Je suis Atréneste qui garde l'astre destructeur. Pour quel amour, pour quel espoir, pour quelle éternité meurs-tu? La nuit tombe. Je vois des fers aiguisés, des fers empennés. Le premier te frappe au genou, se fixe en tremblant dans le nœud de l'os. Mais le dernier te perce d'outre en outre la veine chaude où le cou se joint à l'épaule. Tu souris. Tout le ciel vivant est suspendu comme un regard entre la larme de Vespère et ce sourire. Ils dressent le corps vivant sur leur autel de pierre comme la statue sur le socle. Il n'a plus de sang, il est pur, plus pâle que toutes les choses les plus pâles. Je suis Ial, la gardienne du luminaire exsangue que les mortels nomment lune. Et à mes yeux sont connues toutes les pâleurs de la terre, de la mer, du ciel, de l'Hadès et des rêves. De tous les rêves qui renaissent, de tous les rêves évanouis. Oh, Elle est Érigone, la Vierge. Elle est Érigone, la Vierge à Lépidore. Gardienne de la porte close, créature d'enchantement, fantôme, j'abattrai la porte et le roi de gloire entrera. Au secours, frère! À mon aide! Où êtes-vous? Seigneur! Nous avons renversé les dieux d'airain, brisé les dieux de marbre, brûlé ceux de bois. Or, il n'y a plus une idole chez Jules Andronic. Nous sommes là, Seigneur. Nous mourons de soif. Nous avons tué tant de dieux, tant de démons. Il faut abattre cette porte. Sait-on ce qu'elle cache? Un rêve. Un trésor. Un tombeau. Démons. Tu vois, on me cachait les incantations, les charmes, les sortilèges et les filtres et toutes ces magiciennes impures avec tous ces rites impies. Il faut détruire avant l'aube ici toute œuvre des démons. La nuit est brève. Tu veux détruire le prodige de cet art, la chambre magique? Oh Seigneur, comment pourrais-tu la détruire, cette merveille? C'est le zodiaque circulaire. On peut tout prédire et connaître par les tables des mouvements, par les combinaisons des signes, soit clément, soit juste. On y trouve le thème du monde et de Rome, les domaines des 12 signes et les 12 sorts hermétiques. Oui, je détruirai cette œuvre de démon. Je vaincrai la pierre et les reins. J'abattrai la porte. Et le roi de gloire entrera. Ah, Seigneur, partout est l'horreur. Des bûchers brûlent. Les esclaves se pressent, traînant leurs malades. Les femmes pleurent, les enfants crient. Tous les détours sont bouchés par cette masse lamentable que rien n'arrête, ni repousse. Que feras-tu? Laissez qu'ils viennent. À toi. Nous venons tous à toi, Seigneur. Nous sommes tous à toi, berger. Nous sommes ton troupeau. Garde-nous, berger. Si les dieux marchent sur les hommes marchent sur nous avec l'os dur de leurs talons. Jamais un dieu n'a rien fait pour nous soulager, ni jamais un homme. Celui que tu annonces, homme et dieu, que fera-t-il pour notre faim et pour notre soif, pour nos cœurs et pour nos poignets? Apprends-nous le cri qui sera écouté, Seigneur. Apprends-nous la prière qui sera exaucée. Tu as décelé les yeux de la femme aveugle, or elle te regarde. Et tu as délié la langue d'Alcée, oui, la femme muette, or elle te loue. Nous voici pour que tu nous guérisses et nous consoles. Homme, m'avez-vous vu toucher de mes doigts les yeux de l'aveugle? Ai-je donc touché de mes doigts les lèvres d'Alcée? L'une a vu, l'autre a parlé, mais leur foi seule les a guéris. Votre foi seule vous guérira. Seigneur, nous voulons voir un signe de toi. Un signe. N'est-il pas le guérisseur, celui dont tu nous apportes le témoignage? N'est-il pas le consolateur? Et ne viens-tu pas en son nom? Et tu veux nous laisser nos fièvres, nos maux et toutes nos souffrances. Nous venons à toi, car ton Dieu n'est-il pas le Dieu des miracles? Tu as renversé Apollon qui tue et qui guérit. Ton Dieu ne tue jamais, guérit toujours. Et dans la ville de Naïm, le fils de la veuve, porté en terre, quand il s'approcha, toucha le cercueil, et soudain, le mort se dressa. Souviens-toi. Qu'ils te souviennent de Lazare, l'homme de Béthanie. Seigneur, et tu ne veux pas nous donner des signes? Aie pitié! Seigneur! Tu nous enseignes à souffrir et à mourir. Ah, maître. Où renaîtrons-nous? Dans le royaume. Et où est-il, le royaume? Il est hors du monde. Montre-le-nous. Et votre foi. Donne-nous un signe visible. Le sourire. Mais quel sourire! Hier, dans le prétoire, un cerf comme toi, Cloante, pleurait sans bruit sous les ongles de fer. On lui dit « Tu pleures, Cloante ?» Il répond « Je ne pleure pas sur ma vie, mais mon corps est boue et il en suinte des gouttes. » Quelqu'un n'a pas pleuré, c'est peu. Il n'a pas répondu, c'est peu. Il n'a pas remué, c'est peu. Il a souri. Des yeux, des lèvres, du front, de toute l'âme libre, de toute sa félicité immortelle a souri. Souris vers des cieux qui divinement furent pâles de ce sourire humain comme d'une aube neuve. Tout pâle de cette douleur souriante, comme d'un jour surgit du plus loin que la mer, d'une profondeur plus profonde que l'Orient. Seigneur, Seigneur, nous sourirons quand il faudra mourir. Seigneur, comme je te vois, que je vois face à face le Dieu vivant. Sébastien, archer du Christ, la mort et vie, c'est trop attendre. Seigneur, puisque tu as brisé tous les dieux de sang et de fange, dresse devant nous son image pour que nous puissions l'adorer. Est-il beau? Plus beau qu'Apollon. Il apparaissait aux disciples. T'est-il apparu? Parle! Parle! Réponds, Seigneur. Que nous puissions lui dire aussi, fils de David, oh Jésus, aie pitié de nous. Il n'a plus de corps. Il n'a plus de sang. Il a donné son corps et son sang pour les créatures. Oh, pourquoi veux-tu nous cacher sa figure, Seigneur? Hélas, tu nous abuses. Ne vois-tu pas nos cœurs? Comment pourrais-tu l'aimer de cet amour? Comment pourrais-tu fermer les yeux, être si blême et dans toutes tes veines trembler d'un tel amour si tu n'avais jamais connu sa face? Car tu trembles. Je tremble parce qu'en mon âme je porte le poids de l'opprobre. Ils l'ont frappé à coups de poing. Ils l'ont tout meurtri de soufflets. Ils ont craché sur lui. Sa face est défigurée. Sur ses joues coulent les crachats et le sang. Sa bouche est livide et gonflée. Ses dents sont toutes ébranlées. Et ses paupières et ses yeux. Hélas, hélas. Oh, qu'importe qu'il soit meurtri. Qu'importe qu'il soit tout sanglant et souillé. Combien doit-il être beau toutefois, Seigneur, si tu l'aimes d'un tel amour. Seigneur, Sébastien, elle est ici. Elle est ici, je te l'amène. La fille malade des fièvres. Qui est-elle? On ne connaît pas son nom véritable. On l'appelle la reine malade des fièvres. Écoute, Sébastien, c'est elle qui trempa le suaire dans le sang de ta main, percé par la corne de l'arc, le jour de ta gloire. Seigneur, voilà la reine malade des fièvres. Je ne veux pas être guérie. Dis la chose. Dis cette chose. Parle, ma sœur. Seigneur, elle a dit, je possède, moi, le linceul du Christ. Non! Non, je ne l'ai pas dit. C'est un rêve. J'ai dit, il n'y a point de paix. Sœur, je connais ta voix. Où l'ai-je entendue? Je suis une voix, Seigneur. Et mon cri se leva avant le jour pour t'annoncer. Archer de la vie, je bénis ton œil, ta main, ton arc, tes traits. Tu es malade? Chaque jour, mes tempes sont prises par une fièvre nouvelle. Est-ce une honte si ma vie brûle pour l'amour de l'amour? Tes yeux sont fardés, tes ongles sont peints. Ah, Seigneur, j'effacerai par mes pleurs le fard de mes yeux. Il était couché sur le lit bas, du côté de la fenêtre. Les ombres croisées du grillage tombaient sur sa robe rayée. Lazare trempait un morceau de pain dans des herbes amères, mais sans le porter à sa bouche, qui gardait le goût de la mort. Un esprit l'habite. Un esprit en elle parle. On sent partir d'elle la chaleur de sa fièvre comme une vertu qu'on l'écoute en silence. Il était dans l'ombre de la mort, déjà solitaire. Bien qu'il eût quelques doux fruits, il flairait l'odeur de la terre et le remugle de la nuit dans sa chevelure trop sombre. J'étais sans voix, bien que mon sang dans mes tempes et dans ma gorge fût comme un tonnerre incessant. J'entendais le bruit de la meule en moi-même, comme si seule mon âme vive et non cette orge était broyée par le granit. Je n'entends plus cette hirondelle, Marthe, qui avait fait son nid dans la chambre haute. Ombre d'elle sur ses mains pures. Je respirais les fleurs futures dans sa voix, mais il regardait toujours Lazare, il regardait toujours l'homme vivant et mort, cet œil morne sous la paupière jaune, comme devant la pierre soudain. Lazare, viens dehors. Il cria de nouveau, tout pâle, devant la face sépulcrale courbée sur le triste repas. Lazare ne répondit pas, mais se retourna dans sa place. Et il pleurait face à face. Oh, fiévreuse! Où les as-tu vues, ces choses? Elles ne sont pas dans le livre. Avec quel esprit as-tu communié? Qui t'a donné l'âme qui t'illumine à travers ta faiblesse? Es-tu revenu du sommeil des siècles morts, dans ton aspect de sibylle tourné vers ce qui ne peut pas mourir? Oh, saint, regarde-moi bien. Regarde-moi de plus près. Comme on tend les mains pour atteindre. Je suis le but qui est frappé, et je suis le trait qui le frappe. Je sais des choses. J'ai appris des mystères, et je connais ma faiblesse. Guden, apporte une torche pour éclairer sa face.